faire ça. Et donc, est-ce que je me pose la question, comment attirer des gens dans l'Église? Ça fait des années que je me la pose. Je suis un gars qui organise toutes sortes d'activités pour faire en sorte que les gens rentrent dans l'Église. Est-ce que ça a marché? Je ne le sais même pas. Mais j'ai une réponse à ça. Je pense que c'est bien de vouloir, à quelque part, attirer des gens dans l'Église. On ne le fait pas pour notre propre personne, on veut le faire pour Dieu, on veut que les gens connaissent l'Évangile. On veut que les gens soient touchés par Jésus-Christ. Et on est conscient que la meilleure place, c'est dans l'Église. Quand les gens rentrent dans l'Église, ils entendent la parole de Dieu et ils peuvent être touchés. Mais retenez bien cette réponse. On garde les gens dans l'Église en fonction de la manière dont on les a attirés. Je leur dis, je vous donne des exemples. On garde les gens dans l'Église en fonction de la manière dont on les a attirés. Par exemple, vous vous dites peut-être, on serait dû ici à l'église de Victo d'avoir un groupe de louanges. C'est là, un show en avant. Fait que peut-être vous seriez prêt à aller embaucher des gens, des chanteurs professionnels, un batteur avec la batterie qui se fait aller au bout. Vous savez quoi? Moi, là, je rentre dans une église comme ça, ça quand ça bouge. Mais si c'est la manière qu'on a faite pour attirer les gens dans l'église, qu'est-ce qui va arriver le jour que le chanteur va tomber malade? Le jour qui va arriver, peut-être que le style de musique ne sera pas le vôtre. Toujours rester dans l'église quand même. Il y a d'autres manières d'attirer les gens dans l'église. Par exemple, l'aide à la communauté. Moi, je suis un. Ça fait 2 ans qu'on fait « J'aime mon voisin » à l'église. Je pense que c'est une bonne façon d'aider la communauté. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est bien? Oui, il faut aller aimer notre prochain de cette façon-là. Mais est-ce que c'est la manière dont on veut attirer les gens dans l'église? Il faut se poser la question. Si ces gens-là rentrent dans l'église parce qu'ils ont été, on les a servis, on a pris soin d'eux, on leur a rendu des services, et là, ils demandent d'autres services, on n'est plus capable de leur offrir parce qu'on n'a pas assez de bénévoles, parce qu'on n'a pas assez de temps. Ces gens-là vont rester quand même dans l'église. Un autre exemple, certaines églises n'ont pas de pasteur, ils recherchent la perle rare, mais pourquoi pas se tourner vers un beau pasteur, rempli de charisme. Tu sais, là, il parle en avant, là, puis même les hommes, là, tu sais, sérieusement, là, ce qu'il dit, c'est tellement bon, je me sens touché à ma tête. Puis, est-ce que c'est mal d'avoir quelqu'un comme ça en avant? Ben non. Mais non, c'est pas mal. Moi, là, j'écoute John Piper, là, je ne sais pas si vous le connaissez, mais quand il se met à parler de la joie, là, puis il pleure en avant, là, puis hey, j'ai juste le goût d'embarquer avec lui puis d'être joyeux en Jésus-Christ aussi. C'est pas mal. Est-ce que c'est la manière dont je vais utiliser pour attirer les gens dans l'Église? Qu'est-ce qui va arriver si ce pasteur-là, pour toutes sortes de raisons, décide de s'en aller, d'aller dans l'église voisine, quartier voisin, la ville voisine. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent aussi, là, par contre? Donc, vous voyez, les trois éléments ne sont pas mauvais en soi, mais ça ne devrait pas être la manière pour attirer les gens dans l'église. Ce matin, je veux vous convaincre de quelque chose. J'aimerais vous convaincre du meilleur choix. Si vous voulez vraiment attirer les gens dans l'église, le meilleur choix, c'est de le laisser à Dieu qu'on aime. De laisser ça à Dieu. Mais deuxièmement, c'est par la parole. Pour vrai, là, il y a très peu de gens qui vont entrer dans l'Église. Si vous avez le focus sur les Écritures, très peu de gens. C'est pas glamour. C'est pas cool. C'est pas au Québec. Puis ça va être long. Mais à long terme, je vous garantis que lorsqu'on met l'emphase sur ce que Dieu nous a enseigné à travers les années, sur cette parole qui est complète, je vous le dis, à long terme, ça crée des chrétiens matures. Et ça, ce n'est pas l'œuvre de Patrick en avant ici. Ce n'est pas l'œuvre de celui qui va venir prêcher dimanche prochain. Ce n'est pas l'œuvre du chanteur ici. C'est l'œuvre. Et ça, il faut s'en rappeler. Et ce matin, le passage, je pense vraiment qu'il va nous aider à faire du sens avec tout ça. Puis, je ne vous le cacherai pas, là, j'ai été influencé dernièrement, puis c'est pour ça que je vous apporte ça. Je suis allé passer 10 jours à Washington, à l'église Capitol Hill Baptist Church, l'église de Mark Devers, il y en a qui connaissent ici. Et eux font ce qu'on appelle les 9 marks, donc les 9 critères d'une église en santé. Et je suis revenu de là, les 8 gars de l'église, on est tous revenus, puis on a fait, je pense qu'on fait des belles choses dans notre église, mais je pense qu'on peut mieux faire pour Dieu, laisser Dieu agir, accepter là où il nous a placés. On veut tous avoir des églises de 300, 400, 500 personnes. On veut voir ça. Quel beau témoignage dans la ville de voir que l'église est pleine. Mais pour Dieu, c'est pas ça qui est important pendant tout. C'est notre cœur qui est important. On pourrait avoir 5 personnes assises ici en avant, puis il faudrait louer le Seigneur quand même. Donc, j'ai été influencé, je vous le confirme, mais je pense qu'on va sortir d'ici ce matin, vous allez faire. Ouais, pour ceux ici, que c'est déjà la parole de Dieu qui est au centre de votre vie. Amen. Continuez. Peut-être que pour d'autres, ça va être une révolution dans votre vie à partir de là. Donc, je vous invite à tourner avec moi. Le passage est très connu. Peut-être que certains d'entre vous le savez par cœur. Alors, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 et 17. On a-tu sans le dire là, que vite demain, ils me disent « Ah oui, je sais où est-ce que Patrick s'en va. » Attends. Ça lève déjà des mains. Donc, c'est un passage que j'ai lu souvent, mais que dernièrement, on dirait que je comprends beaucoup plus ce que je veux dire. Et donc, on va le regarder ensemble. Donc, 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Juste avant, je vous mets dans le contexte. La deuxième lettre à Timothée, c'est Paul qui a écrit à son fils en Jésus, son dauphin, le gars à qui il veut transmettre des informations. Alors, c'est la deuxième lettre qui est écrite à Timothée. Timothée, quelqu'un de timide, quelqu'un qui a peut-être besoin d'une tape dans le dos, d'un coup de pied au derrière même peut-être parfois. Écoutez, Paul est là, puis il écrit des lettres. Et là, la deuxième lettre, Paul est où? En prison. Paul est en prison et il attend ni plus ni moins de se faire décapiter à cause de sa foi en Dieu. Et là, il écrit une lettre à Timothée pour lui dire, « Lâche pas, continue à prêcher la parole en toute occasion. Manque pas ta chance, là. Je sais, tu es entouré de faux docteurs, tu es entouré de gens qui vont dire n'importe quoi, qui vont te rabaisser, qui vont dire que c'est pas vrai ce que tu dis. Lâche pas. » Puis le verset central de cette belle lettre-là, c'est vraiment juste avant, 2 Timothée 2,15, je vous le dis, je ne l'ai pas à l'écran. Quelle belle phrase, quel encouragement. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Je vais juste vous rappeler que Paul est en prison et il attend de se faire décapiter. Puis il dit ça à Timothée, « Lâche pas. Sois un homme de Dieu. » Et on a Timothée timide qui se fait ramasser de tous les sens par toutes sortes de faux docteurs. Il faut. Moi, j'étais à la place à Timothée, puis je me dis, hey, comment je peux avoir cette responsabilité individuelle-là à travers un temps de défaillance collective, à travers ce temps où tout le monde s'en va dans la dérape, puis moi, faut que je continue à croire que ça, c'est la vérité, puis faut que je l'enseigne à tout le monde. Quand je regarde en 2019, je ne sais pas ce qu'on est rendu dans la vie, au Québec particulièrement, je pense qu'on est vraiment à la même place que la Timothée. Oui, il y avait plus de persécution physique à ce moment-là. Par contre, on est entouré. Au moment où on va sortir tantôt, le monde est là et puis le matérialisme réapparaît. La vie de vouloir plaire aux autres réapparaît. C'est comme plus on s'éloigne du dimanche matin, plus on retourne dans le monde. Et peut-être que vous ne le vivez pas ici, moi je le vis. Je ne veux vraiment pas me laisser abattre par ça et je pense que le message de ce matin va nous aider. Donc, on lit ensemble le passage 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. Je vous lis. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre peu de bonheur. Pas grand-chose. Et ce matin, parce que je vous ai dit qu'on va mettre l'emphase sur la parole de Dieu, on va se laisser toucher par Dieu, et on va décortiquer ce passage-là. Vous saurez me dire si vous allez avoir été touché ou non, changé ou non à la fin, je n'y vais pas pour venir me voir. Alors, tout d'abord, toute Écriture, lorsque Paul parle à Timothée, on est vraiment à une époque que la Bible, comme on la voit ici, n'est pas faite encore. Vous êtes d'accord? On n'a pas le Nouveau Testament décrit. Par contre, et ça c'est quelque chose qu'on a appris dernièrement dans nos églises au Québec, l'Ancien Testament, parce qu'on parle de toute Écriture, l'Ancien Testament, ou peu importe le passage dans toute la Bible, une chose qui les unit tous ces passages-là, c'est centré sur Jésus. Et oui, il faut lire notre Bible pour s'en rendre compte. Puis des fois, on lit dans l'Ancien Testament, bien voyons, c'est quoi le rapport avec Jésus. Quand on lit ailleurs, on fait « OK, tout ça a du sens ». Si on faisait, on prenait d'un couvert à l'autre, on verrait que Jésus a la place prédominante. Et donc, on voit également aussi Jésus lui-même. Dans Jean, il dit « Moïse a écrit ». Ça vous fait quoi quand vous lisez ça, vous autres? Moïse a écrit sur Jésus. Pourtant, je lis Moïse, je vois nulle part Jésus. Mais il y avait à l'esprit l'idée qu'un sauveur était pour arriver. Ça, c'est correct. Jésus lui-même dit, Moïse a écrit sur moi. Dans Jean 8, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est Jésus lui-même qui dit ça. Et dans 2 Pierre, Pierre qui dit « Les lettres de Paul font partie des saintes écritures. » Donc, si on prend tout ça ensemble, on se rend compte que toute écriture, c'est vraiment toute notre vie. Il y a quelque chose de particulier là-dedans. Et d'ailleurs, on va le voir déjà. Toute écriture est inspirée de Dieu. Je ne sais pas, ça vous fait quoi quand vous voyez le mot « inspiré » ? J'ai commencé ma vie chrétienne en 2001, quand je voyais le mot « inspiré », moi, je voyais ça plus comme une inspiration. Par exemple, moi, aller manger au McDonald's, ça m'inspire. Il y a quelque chose d'agréable. Ma femme a dit, quand on irait manger au McDo, « Oh yes, la journée va être belle! » T'sais, c'est aussi simple que ça. C'est pas ça pantoute que Dieu veut dire ici. Toute écriture est inspirée de Dieu, inspirée du mot grec « théopneustos ». Je sais mon grec, pas du tout, j'ai écrit ça ailleurs. Par contre, j'y crois à 100 000 à l'heure. Théo, pneustos, théo, Dieu, pneu, pneumonie, poumon, respirer, OK? Théo, pneustos. La Bible a été soufflée par Dieu. C'est ça que ça veut dire ici. Le mot est inspiré de Dieu. Dans Hébreux 4, on voit que la parole de Dieu est plus tranchante. Elle est vivante et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Mais ça dit très bien que la parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas un livre traditionnel que nous avons entre les mains ce matin. C'est un livre vivant. Et donc, lorsque je vais le lire, il va se produire quelque chose dans mon cœur. C'est vivant. C'est inspiré de Dieu. C'est soufflé par Dieu. Donc, tout ce que je vais lire, ça va venir m'impacter personnellement. Toute écriture est utile pour enseigner. Quand on pense à enseignement, on pense à nos enfants, c'est vrai? Okay. Quand on a des enfants, ça fait ça. Alors, on voit dans Proverbe 22, hein, vous rappelez-vous, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. » Et là, pendant des années, des gens, je suis sûr qu'il y en a ici, je suis sûr que vous vous êtes dit, ben, putain, moi, j'ai enseigné le mieux possible mes enfants et aujourd'hui, ils ne sont même pas dans la vie. Vous voyez, ce passage-là, il ne faut pas le prendre comme une promesse, mais plutôt comme un avertissement. Notre job, humainement parlant, c'est d'enseigner nos enfants. Et moi, ce matin, j'ai vu quoi ici, là? On a parlé, ma femme et moi, là, pour ramener ça à l'église. L'idée de faire graduer les enfants, ils sont, dès leur plus jeune âge, mis devant la parole de Dieu. On commence d'une manière simple, on les fait graduer Et là, ils grandissent, deviennent ados. Et effectivement, comme une l'a dit ici, plus ils grandissent, moins les parents, on peut leur dire quoi faire. On peut avoir une influence sur eux, mais on peut moins leur dire quoi faire. Mais s'ils ont été élevés ici dans la parole, je peux se poser de quoi à l'intérieur. Ça, ça m'encourage vraiment d'avoir vu ça ici ce matin. Ma femme et moi, on se dit souvent, nous, on veut vraiment prendre la Bible. On veut dire à nos enfants, le seul livre que vous avez réellement besoin, c'est la Bible. Oui, ils ont besoin de leur livre de mathématiques, mais le seul livre qui peut vraiment les changer profondément dans leur cœur, c'est la Bible. Et là, on essaie de trouver toutes sortes de manières pour enseigner à nos enfants. Des fois, on fait des pièces de théâtre. Des fois, on lit un passage. Des fois, on prend notre pain quotidien. Hein, parce que les passages sont bien, si vous connaissez ça, ce livre-là, les passages sont simples pour des enfants. Et là, on se demande des fois, comment que, dans la vie de tous les jours, nos enfants, là, ils prennent ça, mais quand ils arrivent avec leurs petites amies, là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ce matin, après cette semaine, les filles ont fini l'école. Et ils ont ramené leur sac d'école. Puis, ma femme a trouvé ceci. Vous avez des bons yeux. Dites-moi c'est quoi votre truc. Là. Ma plus vieille a créé des règles avec ses petites amies. Faites-vous-en pas, je viens demander, fait que si vous lui en parlez tantôt. Alors, les règles s'intitulent « Une belle vie de meilleur ami ». Pour vous mettre dans le contexte, les amis avec ma fille, un jour, c'est les meilleurs amis du monde, le lendemain, ils ne se parlent plus. Le lendemain, oups, finalement, comme si de rien n'était, tout était beau. Bon, c'est comme ça un petit peu, puis c'est plate, mais en vieillissant, bien souvent, ça ne s'améliore pas notre affaire. Donc, elle a créé les règles d'une belle vie de meilleur ami. Et là, on a lu ça et on a fait « Wow ». Ce qu'on se force à enseigner à nos enfants depuis le début, il y a des petits soupçons qui ressortent là-dedans. Et là, il faut vous le dire. Pas le choix. Alors, règle numéro un, si vous voulez une belle vie de meilleur ami, ne pas se chicaner. Et là, on a fait, wow, ça part bien quand même, c'est très biblique. Ne pas chicaner, aimer ses ennemis, hein, on voit ça? On doit aimer tout le monde, aimer son prochain, prendre soin des autres. Ne pas chicaner, c'est bon, je pense, excellent. Règle numéro 2, ne pas sacrer. Bon, moi ce que j'aime ici, je vais défendre ma fille quand même, c'est qu'on le sait qu'au Québec, il y a des mots qui ne passent pas encore dans la société. Et nous, on appelle ça ici sacré. Mais on pourrait dire un mot en anglais qui n'est pas si grave pour nous ici, on arriverait aux États-Unis, ça serait un blasphème total. Donc, faire attention à ces mots. J'aime ça. On se rappelle, on est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3:15. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, ce qui va sortir de notre bouche, c'est ce qui sort de notre cœur. Donc, faire attention. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, c'est super. Mais là, il y a de quoi de comme semi-effacé. Fait, ne pas sacrer, sauf dire merde. Je ne sais pas si elle l'a effacé ou si elle a écrit pas fort, d'un coup je mettrai la main là-dessus, je ne sais pas, mais là je l'ai vu. Donc, vous voyez, j'ai encore du travail à faire. Mais ça s'en vient. OK, règle numéro 3, ne pas couper la parole. Ah, prendre le temps d'écouter les autres. Wow! Sérieusement, on va dans les proverbes, dans les psaumes, où est-ce que David dit, Dieu prend le temps de m'écouter. Je peux me plaindre, je peux être en colère, je peux être joyeux, je peux faire n'importe quoi, et Dieu m'entend. Il ne vient pas me couper la parole. Bon, ça peut être bon. Règle numéro 4. Si on veut parler, faire le signe X. Bon, ça, je n'ai pas compris ça. Je dis, bon, on a le droit d'avoir des règles internes dans la famille, avec les amis, pour essayer que ça se passe mieux. On fait la même chose dans l'Église. On s'invente des règles, des fois, pour avoir un cadre plus... que ce soit plus agréable de vivre ensemble. Ce n'est pas nécessairement dans la Bible, mais ça peut être bon. Ça, il faut que j'y demande, c'est quoi cette affaire-là, je ne le comprends pas. Règle numéro 5, jouer au jeu que tout le monde veut. Encore là, j'ai fait moins. Si on attend vraiment de jouer au jeu que tout le monde veut, on ne jouera jamais à rien. Donc, peut-être du bout de là, il va falloir que je travaille avec ma fille. Et finalement, règle numéro 6, si on fait une chicane, repartir à zéro. J'aime ça. Ça, pour moi, ça fait vraiment biblique. Où est-ce que on ne se couche pas sur notre colère? Hein? C'est ça, c'est la parole de Dieu. Où est-ce que, lorsque j'ai fait un péché, je demande pardon à Dieu. Je lui confesse mes péchés. Qu'est-ce que Dieu fait? Pardon. Il met ça de côté. Ah oui, on repart. J'offre ma grâce. Donc, je ne suis pas convaincu que ma fille de 9 ans a tout saisi. T'sais, ces règles-là, elle ne s'est pas dit avant. Oh oui, inclusive 5, 12. C'est sûr qu'elle ne s'est pas dit ça, là. Mais quand même, on était plutôt content de voir ça, puis en même temps, on a fait, bon, on a encore un peu de travail à faire. Fait que vous voyez, vous avez un homme devant vous, un papa, qui est loin d'être parfait, mais qui veut aller voir. La parole de Dieu est utile pour convaincre. Pour convaincre de quoi? Eh bien, peut-être ici, c'est la première fois que vous mettez les pieds. Peut-être que vous avez mis les pieds souvent ici. La parole de Dieu est utile pour convaincre que le seul chemin qui mène à l'endroit le plus merveilleux au monde, c'est de nous détourner de nos péchés et de mettre notre confiance en Dieu. C'est de se repentir. Ça, c'est un mot qu'on utilise presque plus dans nos églises parce qu'on a peur de fâcher les visiteurs. Et moi, je vous ai dit que je veux revenir directement dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il utilise le mot repentir, il utilise le mot péché. Et ce matin, j'utilise ces deux mots-là. Nous devons nous repentir de nos péchés. En bon québécois, on doit faire un 180. Je m'en allais par là dans mon péché, je m'en vais par là vers Jésus. Pas, je m'en vais par là, puis je regarde mon péché de travers, tu sais, puis je touche au passage. Non. On sac notre pied, on s'en va dans l'autre sens. Un croyant ce matin, mature, c'est ce qu'il fait. Est-ce qu'il le fait tout le temps? Ben non. On va encore pécher. On va encore faire des niaiseries. Et Dieu nous dit, ton cœur, repens-toi. Confesse ton péché. Va à Jésus-Christ qui a tout payé. Pour ceux-là qui ne comprennent pas bien encore qu'est-ce que Jésus est allé faire à la croix, j'ai une image dans ma tête, j'espère que je vais bien vous le rendre, mais imaginez que vous êtes en train de vous noyer au milieu de l'océan. Vous êtes en train de vous noyer dans vos péchés. Vous faites tellement de choses, là, vous dites, ça n'a pas d'allure la vie que je mène, je suis en train de virer fou avec tout ça. Les autres, il arrive toutes sortes d'affaires avec les autres, je vis des choses difficiles, puis moi en plus, je fais tellement de niaiseries, j'arrête pas. C'est comme si je suis en train de me débattre dans l'eau, dans l'océan. Fait que, je regarde à gauche, à droite, n'importe où, il n'y a personne pour m'aider, et là, j'attends deux choses. J'attends la mort, ou j'attends le sauveur. Et gloire à Dieu, Jésus est arrivé, puis il m'a pris la main, puis il m'a sorti de là. Et c'est ce qu'il a fait à la croix. Il est allé mourir avec mes péchés, là, et il m'a sauvé. Il me garantit une vie meilleure un jour au ciel. Une vie meilleure sur terre, peut-être pas. Une vie meilleure au ciel avec Dieu, assurément. Et grâce à ça, j'ai l'assurance. Vous avez l'assurance, pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus, vous avez l'assurance qu'il y a quoi de mieux qui nous attend. Et donc, tout ce qu'on vit de difficile aujourd'hui, maintenant, ça a très peu d'impact sur la vie éternelle qui nous attend. C'est dur, là. D'accord? Il y a des éléments. Il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où ça va mal, puis il y a des gens parmi nous, il y a beaucoup de jours qui vont mal. Mais soyez rassurés. Jésus est là. Il nous a sortis de ça. Pour l'instant, là, je vous dis, mes deux grandes tantôt, là, ils s'en allaient dans la classe, là, puis « Oh non, des nouveaux amis, oh non, ça va être trop difficile, je ne veux pas y aller. » Fais-le pas pour toi. Toi, tu vas trouver ça dur. Va là-bas, là, puis aime-la, ces petits amis-là. Prends le temps. La professeure va t'expliquer des choses sur la parole de Dieu. Fais juste écouter. Quand on fait des choses pour Dieu, nos choses négatives existent encore, mais au moins on a l'espoir que ça va finir, cette affaire. Il y a quoi de merveilleux qui nous attend, mes amis. Il ne faut pas manquer ça, cette affaire. La parole de Dieu est utile pour corriger. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ce matin, vous vous dites, à partir de maintenant, je veux suivre Jésus. Ou peut-être vous vous dites, à partir de maintenant, je veux me consacrer. Je t'ai sauvé. Je le sais que Jésus a payé pour moi. Mais aujourd'hui, je veux me consacrer à Dieu pour la vie, pour toujours. Tout ce que je vais faire lorsque je vais lire ma Bible, je vais passer plus de temps le matin à lire ma Bible, je vais passer plus de temps à prier. Je me consacre à Dieu. Sauf que, on est des fois comme, avez-vous remarqué les boulots en début d'hiver? Ici, peut-être que vous ne l'avez pas vécu, mais à Shawinigan, nous autres, il y a neigé pour un méchant temps. La neige était tellement lourde que les bouleaux, ils ont planté et ils font une arche. Puis, encore cet été, on a des bouleaux qui font une arche. Et je trouve tellement que des fois, on est comme ça. On vient à Dieu, là, on pense que tout va changer du jour au lendemain, mais non. On est croche en tabarouette. Puis des fois, on reste croche longtemps, même si on est un enfant de Dieu. Mais la parole de Dieu sert. Elle est utile pour corriger. Ça veut dire que, à partir de maintenant, je crois que Dieu va me redresser. Et c'est où je vais trouver mes réponses? Dans sa parole. C'est où je vais trouver la vérité? Dans la Bible. Et c'est impossible pour quelqu'un de passer d'être un bouleau mou croche à un chêne solide puissant. Mais Dieu peut le faire avec nous. Amen. Ça, il ne faut pas manquer ça non plus. La parole, les Écritures sont utiles pour instruire dans la justice. Moi, je lisais ça, je ne sais pas si ça vous fait ça, je ne comprends rien. Instruire dans la justice. Mais quand on voit dans une autre version, la version Sommer, ça dit, la parole de Dieu est utile pour apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Là, je comprends. La parole de Dieu est utile pour apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Puis la parole de Dieu, la Bible, elle ne se contente pas juste de blâmer ou de corriger ou d'être sévère. Hein. Des fois, on tombe dans des passages. Mes amis, c'est sévère. Je lisais ce matin dans 1 Samuel 2, Eli apprend que ses gars sont morts. Bang, tombe à terre, Eli meurt. Si je lis juste ça, là, hey, monsieur, c'est raide un peu. Et lorsque je lis toute ma parole, je fais, OK, des fois, c'est comme ça. Mais quand je vois dans les lettres de Paul, je vois des conseils à en soutenir, c'est bien merveilleux. Par exemple, peut-être que ce matin, vous vous demandez, comment qu'on fait, nous, en tant qu'Église, pour être unis? Nous, ici, là, comment qu'on fait pour être unis dans la diversité? Ici, présentement, là, il y a des gens de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes d'emplacements. Des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux, des femmes, des gars, des enfants, des plus vieux. Comment qu'on fait pour être unis dans ça? Le monde, ce qu'ils vont nous présenter, c'est, bien, inscrivez-vous dans, mettons, le groupe d'âge d'or pour les gens qui sont de ce groupe-là. Et puis, allez à la garderie pour les gens qui sont de ce groupe-là. Mais la parole de Dieu, ce qu'elle enseigne, c'est pas ça pantoute. La parole de Dieu, elle enseigne d'être unis ensemble. Et là, je peux aller dans 1 Corinthiens 12. Nous sommes tous les membres du corps de Christ. Est-ce qu'on est tous des membres pareils? Moi, quand je regarde mon corps, il n'y a pas grand-chose qui se ressemble. Là. Puis même ces deux doigts-là ne se ressemblent pas. Il y en a un croche, pas l'autre. Fait que, tous nos membres sont différents sur nous. Et dans l'Église locale, c'est la même chose. On est tous différents, mais on fait tous partie du corps. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ce qui fait que dans des soirées de prière, je ne sais pas comment vous les appelez ici, des études bibliques, on va se retrouver avec des gens plus vieux, plus jeunes que nous, mais parce qu'on est unis en vie du Christ. Peut-être vous vous demandez au travail comment je fais. Comment je fais pour être un chrétien dans mon travail? Écoutez, moi je lis la Bible, je tombe dans Matthieu 25, l'idée d'être fidèle dans les petites choses, ça commence au travail. Ça commence que les gens vont te regarder travailler quand ils savent que tu es chrétien en plus, ils vont commencer à doublement te regarder. Et si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera les grandes. Va dans Philippiens, lorsque Paul il dit, je me contente de l'état dans lequel je me trouve. C'est pas la même chose dans mon travail. Combien de fois j'ai chialé à ma femme, je pense que c'est pour moi que je vais aller, je vais aller. À un moment donné, il faut que je m'arrête, je me dis, Dieu m'a placé là. Mon champ missionnaire à moi, c'est dans mon travail, c'est dans ma famille, c'est les gens qui m'entourent. Il ne faut pas que je cherche à vouloir sortir de ça. C'est Dieu qui m'a placé là. Faut que je cherche à être en mission avec ces gens-là. Le mariage. Comment qu'on fait pour avoir un mariage heureux? Il existe des milliers de livres. Il ne faut pas exagérer. Mettons en français, on va dire des centaines de livres sur le mariage. Et pourtant, j'ouvre ma Bible, je m'en vais dans Éphésiens 5. Et là, je vais chercher du monde ici. Éphésiens 5, il dit à l'homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Comment c'est de l'amour? La femme est là, elle va pouvoir vous dire que je suis loin de tomber. Travaille. Et pour la femme, oh mon Dieu, ça c'est choquant. Sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Et là, qu'est-ce qu'on fait comme Québécois typique? Si on avait le droit de mettre du liquid paper dans notre Bible, il y en a qui en mettraient là-dessus. Okay? Mais ce qu'on fait à la place, on va laisser notre Bible de côté, on va aller à la librairie chrétienne, puis là, on va chercher les livres sur le mariage, puis on espère qu'on va tomber sur un livre qui ne parlera pas de cette fameuse soumission-là. Puis, certainement qu'on a été mal enseigné sur la soumission au Québec. Pour nous, soumission égale l'homme fait tout ce qu'il veut, puis bam, je ne fais plus rien, c'est moi qui décide, je suis le chef. Pas ça, pas tout. Si l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, l'homme va prendre soin de sa femme comme Jésus prend soin de nous. Puis la femme, elle va avoir des fois des choses que l'homme va dire, tu as raison, on devrait aller dans cette direction-là. Puis des fois, la femme, va falloir aussi qu'elle fasse, tu as raison, chérie, on s'en va dans cette direction-là. C'est pas aussi pour vous parler de mariage, là, c'est même pas bon en plus. Mais tu sais, je veux vous dire que la Bible est remplie de conseils, puis on veut aller chercher ailleurs nos conseils. Écoutez, faites ce que la Bible enseigne, puis vous allez en avoir bien moins des problèmes. Aussi simple que ça. Vous êtes célibataire peut-être ce matin? Combien de célibataires gaspillent leur temps à attendre ou à chercher l'âme sœur? Moi, je lis la Bible, je vois Jésus qui est le célibataire par excellence, qui a passé sa vie à vouloir plaire à son Père. Je vois plein d'autres cas, dont Paul qui dit, si tu es célibataire, cherche pas. Tu ne sais pas, mais t'es bien. Puis profite-en. Non, mais... Attention, hey, ça, c'était pas dans mes notes, cette affaire-là. Ce que Paul dit, c'est, lorsque tu te maries, ben, tu te mets à te concentrer sur les choses du monde. Tu veux plaire à ta femme, tu veux plaire à tes enfants, c'est normal. Alors que quand tu es célibataire, ben, tu cherches les choses de Dieu, tu veux plaire à Dieu. C'est ça. Donc, vous avez comme célibataire une occasion en or de faire grandir le royaume ici avec toi. Profitez de ce moment-là. Ouais, plus je pourrais continuer, mais là, je ne peux pas faire autre chose aussi. Alors, on voit l'autre passage, le verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour nous aider à mener une vie digne de la volonté divine, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Encore là, je lis ce passage-là, je ne sais pas si je comprends totalement. Donc, des fois, il y a une autre version, hein, second 21, qui dit, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé. Oh, là, je comprends beaucoup plus. Lorsque je prends ma Bible, je commence ma journée en lisant ma Bible. Je finis ma journée en priant, peu importe. Je mets l'emphase sur Dieu. Dieu est prioritaire dans ma vie. Je suis en train de me former et équiper à toute bonne heure. Mes chers amis, on ne prend pas de diplôme pour servir notre monde. Je suis en train de faire des diplômes. Éric, est-ce qu'on devrait faire des diplômes? Ben oui, on est en train d'en faire. Est-ce que c'est obligé? Vraiment pas. Et ça, c'est mon message, parce que souvent, on arrive en avant, puis les gens disent, « On le sait bien, toi, tu passes ta vie à étudier, c'est facile pour toi. Nous autres, on a d'autres choses à faire. » Non, ça ne prend pas de diplôme. On va mettre au cœur déjà. Donc, est-ce que aussi, il faut faire des œuvres pour aller au ciel? Non. Non. Dieu nous sauve, et parce qu'il nous a tant aimé, on va faire. Ça vient ensemble. Et c'est pas on fait des œuvres parce qu'on veut plaire à Dieu. C'est « Il nous a sauvés » et faire que je suis un enfant de Dieu, c'est rendu juste normal que je lui donne mon temps, que je l'aime de cette façon-là. Quand je lis la Bible, effectivement, dans Éphésiens, on voit entre autres que Dieu a préparé à l'avance des œuvres qu'on doit faire. Mais c'est pas ça qui nous amène à Dieu. Dieu décide s'il nous a pris, et s'il dit, on va faire des œuvres. Et comment on peut être formé et équipé pour toute bonne œuvre? Bien, certainement en lisant la parole de Dieu. J'ai vraiment l'air du gars à matin, tu sais. Hercule de là, même pas un an. J'aimais ça lire ma Bible, mais c'est pas aussi un Et j'ai mis à pratiquer à lire ma Bible, à me focusser des moments privés. Et là, gloire à Dieu, il m'offre un horaire beaucoup plus facile où est-ce que je suis jour, la semaine, je n'ai pas à me casser la tête, je sais qu'à tous les matins, je peux lire ma Bible. Donc, quand on réussit à se mettre ça facilement dans l'horaire, c'est la même chose que quand on s'attache en auto, là, quand tu t'en vas en auto, tu t'attaches, c'est rendu habituel. Quand je me lève le matin, je lis ma Bible, c'est rendu habituel. Donc, pas spécial, c'est juste que je l'ai intégré dans ma routine et que ça fonctionne bien présentement. Est-ce qu'il faut lire d'autres livres? Parce que oui, on a la Bible, mais il y a plein de gens qui écrivent. Peut-être même ici, il y a des gens qui ont écrit des livres. J'ai même déjà eu l'intention d'écrire des livres. Alors la réponse, ben oui, on peut lire d'autres livres. C'est pas le problème. Parfois, Dieu utilise un autre frère ou un autre sœur pour venir nous édifier. Donc oui, il faut lire des livres. La bibliothèque est remplie. Mais retenez une chose. Lorsque vous allez lire des livres, votre vie peut changer. Mais lorsque vous allez lire la Bible, votre vie va changer. C'est tout à fait. Il ne faut pas manquer cette belle occasion-là. Et ce matin, pour terminer, comment appliquer cette vérité dans le quotidien? Bien, j'ai déjà donné quelques conseils, mais des fois, on lit la Bible et on dit, là, on voit ça dans Matthieu, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est un important, c'est évangéliste dans Rome, c'est. Mais comment on fait ça, faire des disciples? Pendant toute ma vie, j'ai cherché des petits livres, il y en avait beaucoup en anglais, là, où est-ce que c'est comme des études là, qu'on amène avec les gens pour voir des choses, c'était vraiment bon. Mais pourquoi on ne revient pas à la simplicité? Pourquoi que on ne regarde pas dans l'église, peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit, vous dites peut-être telle personne, croyant, pas impliqué encore, nulle part, pas si grave, mais peut-être qu'il faut aller m'en voir, cette personne. Une heure, par deux semaines. Écoute, j'en ai, je me demandais, ça tente qu'on vit ensemble, autour d'un bon temps. Une fois par deux semaines, une heure. Et lorsqu'on croit que cette Bible-là va changer nos vies, va transformer nos cœurs quand on va la lire parce qu'elle est vivante, et le une fois par deux semaines, ou par mois, une heure avec une personne, la vie va changer. On a entre les mains quelque chose de miraculeux. C'est quelque chose de surnaturel. La Bible est surnaturelle. Ce n'est pas un livre comme les autres. Donc, quand on le prend et qu'on commence à le lire avec nos enfants ou avec quelqu'un dans l'Église, il va se passer quelque chose. Dieu seul le sait, c'est ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose. Peut-être avec un non-croyant, vous ne savez jamais quoi dire. Avec vos collègues ou avec peut-être vos enfants, peut-être vos parents. Moi, mes parents ne sont pas chrétiens. Ma soeur, mon frère non plus. Mais j'ai un bon lien avec eux. Fait que je peux, des fois, essayer des choses, mais pourquoi je vais trop loin? Prends Luc 11, 13 qui dit que le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Je vais juste en asseoir avec ma soeur et dire, écoute, Kat, je t'écoute depuis un bout, tout ça. Tu as l'air à trouver ça cool des chrétiens, mais tu sais, il ne passe pas grand-chose pour l'instant. T'aimerais-tu ça? On demande au Seigneur ce qu'il te donne aussi. Moi, je lis dans Luc 11, 13, que si tu le demandes, il va te le donner. Donc, ben simple, je n'ai pas à me casser la tête pour aller me perdre dans un paquet de discussions. Puis oui, si la relation continue, évidemment, on va aller plus loin dans l'Évangile, on va expliquer le salut en détail. Mais des fois, là, les petites choses sont bonnes aussi. Il ne faut pas se dire, je ne le ferai pas trop compliqué. Non. Rendons les choses simples. Quand on prend juste la Bible, c'est ça. Et si vous lisez un texte et vous n'êtes pas sûr, puis l'autre vous pose des questions, vous n'avez pas de réponse, un frère ou une sœur dans l'église va pouvoir vous aider. Donc écoutez, on retient une chose ce matin. Okay? Il y a une tonne de différence entre le monde dans lequel on vit et la parole de Dieu. Une tonne de différence. Ça va être dans nos propos, ça va être dans notre attitude, ça va être dans le fait que si je le lis, je lis cette Bible-là, si je la savoure, si je la délecte, si je crois sincèrement que c'est surnaturel et qu'il va se produire de quoi de merveilleux, c'est clair que moi, là, juste, je fais juste vous en parler, puis j'ai déjà la joie de voir ce qui se passe. Je veux voir Dieu agir. il me demande de lire sa parole. Peut-être parmi vous, vous dites, moi, j'aime pas bien ça lire. Il y en a tout le temps dans toutes les églises. Il y en a peut-être même qui ne savent pas lire. Ceux qui ne savent pas lire, une situation. Ceux qui n'aiment pas lire, bien, Dieu a quand même décidé d'écrire dans un livre. Donc, il faut lire. Maintenant, tu ne sais pas lire. À ce temps, il existe tellement de technologies où est-ce qu'on peut écouter la Bible sur Internet. Où est-ce qu'on peut demander à quelqu'un, il n'y reste pas, ça. Hey, des fois, on écoute le soir, ma femme Elisabeth, est-ce que vous êtes en train de lire à voix haute? Ah, c'est tellement bien juste d'entendre l'histoire qu'elle est en train de lire. Donc, tu sais, peut-être que tu ne savais pas lire, pour pas une raison, il existe d'autres moyens également. Donc, ce matin, lorsque je veux amener les gens à donner leur vie à Jésus, lorsque je veux enseigner les valeurs chrétiennes à nos enfants, à nos collègues de travail, lors d'école du dimanche ou d'études bibliques, lorsque je veux corriger des chrétiens qui sont dans l'erreur, lorsque je veux aimer ma femme d'une manière digne, lorsque je veux bien utiliser mon temps pour honorer Dieu, lorsque les difficultés ne me lâchent pas, bien, on a ce qui est pleinement satisfaisant. On l'a en tout cas. On a un outil précieux dans notre vie. Utilisons-le. Amen. Bien. Grand Dieu, comment ça que j'ai pris tant d'années pour comprendre cette affaire-là un matin? Comment ça, Seigneur, que j'ai vu longtemps cette Bible-là, que j'ouvrais ici et là, que j'ouvre le dimanche? Ah oui, ça, je l'ouvre le dimanche. Mais Seigneur, merci de me rappeler à quel point tu m'as dit. De me rappeler à quel point tu es pleinement suffisant pour moi. De me rappeler que je ne suis pas ici pour moi. Je ne suis pas dans ce monde-ci pour moi. C'est toi qui m'as placé ici pour toi, pour ta gloire. Seigneur, rappelle-moi que les gens que tu places autour de moi, présentement, si je regarde à droite, à gauche, les gens que tu as placés alentour, le milieu de vie dans lequel je vis, ça vient tout de toi. Je n'ai pas à attirer les gens, tu les envoies à moi. Tu les envoies pour que je puisse prononcer ton évangile, répandre ton évangile. Prendre la bonne nouvelle de Dieu. Ô Seigneur, merci pour Jésus qui a tout payé pour moi. J'allais à la mort par mes péchés et tu m'as sauvé. Et en plus, tu m'offres une place de choix pour l'éternité à tes côtés. Je peux déjà savourer cet instant-là. Il y a des moments difficiles sur terre, tout le monde ici, on est d'accord. Mais on peut quand même savourer qu'un jour, tu nous réserves une place tellement merveilleuse, j'ai hâte de voir. Merci pour l'Église de Victo aussi. Mes frères, mes sœurs sont ici, peut-être des visiteurs aussi. Seigneur Dieu, touche mon cœur, mon cœur, cette semaine. Tu dis que ta parole ne retourne pas sans effet. Prends-toi sans effet. Prends-toi. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour tes frères et sœurs aussi, Seigneur. Offre-leur ta grâce. Que ton nom soit glorifié